descendu. J'ai perdu la terre. Je n'ai jamais vu cette drôle de lumière. Je dois retrouver ces petits pétales et les rapporter à ma station spatiale. Je me suis perdue dans l'espace. Dans cet univers où sont ces pétales, peut-être au bout du ciel, cherchant une étoile métallique essentielle. Je me suis perdue dans l'espace, bel et bien perdue dans l'espace. Je me suis perdue dans l'espace, bel et bien perdue. Trouver bien quel est le chemin, mais en attendant, c'est très amusant. Perdu dans l'espace, perdu dans l'espace, je me suis perdu dans l'espace, perdu. One, two, three, four. Perdu dans l'espace, bel et bien perdu. Ha ha ha.